Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein? Cette bande de racailles.